l'orage, un trouble grossit les eaux. Le bon pêcheur s'engage dans l'herbe au milieu des roseaux. Avec sa gaule sur son épaule, avec sa hotte qui se ballotte, avec ses bottes qui font du flic-flac, avec sa gourde et son bissac. Et outre ça, qu'est-ce que tu m'as rapporté? Oh, moi j'étais bien embêté, croyez-vous. J'avais acheté une paire de socolis, comme ils disent aux Tessins. Ça peut toujours servir pour économiser les souliers. Seulement, j'en avais perdu un dans l'Odyssée. Il n'en restait plus qu'un dans le paquet. Vous voyez le tableau? Eh bien voilà, la Louise, que j'ai fait. J'ai pensé que des socolis te feraient plaisir. C'est la toute grande mode qu'ils disent. Seulement voilà, à cause de la crise du bois, ils n'ont pas le droit de vendre la paire. Ils s'en vendent seulement un à la fois par année. C'est bien ennuyant. Je vais me voir obligé de retourner là-bas l'année prochaine pour acheter l'autre. Sacré Camille. Ça fait qu'il va falloir faire pour aller, dites donc, j'ai pas le tout, ça. C'est 10 heures. Et on n'a pas tellement avancé. Pour en ajouter les bases, c'est l'essentiel. Et puis j'aime pas tant ces décisions à la précipiter. On a le temps. On se réunira de nouveau. Ouais, quand? Dans 15 jours, par exemple, ça va? Dans 15 jours. À la même heure. Oui, d'accord. D'accord. Et puis, dis donc, syndic, pour bien finir cette séance, en mot de Wallace Gonverset. Gentille, fraîche, accorde, dès l'aube la meunière voit passer devant sa porte, passer le galant maladroit. Avec sa gaule sur son épaule, avec sa hotte qui se ballotte, avec ses bottes qui font du flic-flac, avec sa gourde et son pissac, avec ses bottes qui font du flic-flac, avec sa gourde et son pissac, flic-flac. L'agent Voyer, qu'on n'avait pas vu depuis près d'une semaine, dit à peine bonjour en entrant. On voyait que l'humeur, comme le temps, était à la grogne. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda le notaire. « C'est tes rhumatismes qui te chicanent ?»« Penses-tu ?» dit l'autre. « C'est cette charrette de vélo ?»« Pourquoi ?»« Tu as voulu suivre le tour de Suisse et tu arrives déjà ?»« Dis plutôt que je n'ai seulement pas pu finir le tour de la commune. »« L'autre jour, j'avais laissé mon os devant l'auberge des Essers. » Et quand je ressors, qu'est-ce que je vois? Un schnappin qui m'avait chipé mes deux pneus et les chambres à air avec. J'ai interrogé tout le village, mais va savoir qui a fait le coup. Sans doute un mécanicien en promenade. Ou tout simplement un type qui avait les doigts souples et la conscience élastique, dit le greffier. En tout cas, affirma Ducret, c'est bien la première fois que tu devais revenir de la pinte avec une dégonflée. J'aurais dit que depuis là, je passe mon temps en démarche et en écriture. Pour retrouver le voleur, quoi? Mais non, pour obtenir la permission de racheter des enveloppes et des boyaux neufs. Quelle paperasserie, mon pauvre ami. C'est au moins aussi compliqué que de demander le divorce, depuis qu'on ne trouve plus une brique de caoutchouc par chez nous. Le fait est que ça devient inquiétant, cette pénurie, dit le syndic. On sera bientôt obligé, si ça continue, de fixer ses chaussettes au mollet avec des imperdables et de faire tenir les pantalons avec des pinces à linge. Et se tournant vers le notaire... Tu vas te trouver joliment embêté. C'est au moins le 50% de ta dignité dans les saluts que tu vas perdre quand tu ne pourras plus mettre une élastique à ton canotier du dimanche. Le notaire vexé rétorqua, au lieu de faire de l'esprit, tu ferais mieux de dire aux gendarmes de surveiller la pompe à feu. Il y en a qui sont bien capables d'apporter le tuyau pour arroser leur plantage. Ce qui m'étonne, dit le géomètre, c'est que prévoyant comme il est, le Conseil fédéral n'est pas pensé à faire remplacer par des arbres à gomme les plantes exotiques de notre Montreux tropical. Si je compte là-dessus, dit le voyer, je crois que je peux continuer à rouler sur la jante. Eh bien, comme ça, remarqua le Jules, je ne risque plus de ramasser tous les clous de souliers que le facteur sème sur la route, à l'instar du petit pousset, pour être sûr de ne pas t'égarer au retour. Avec tes roues à cuvette, dit Ducret, tu peux toujours essayer de rouler sur les fils électriques. J'ai vu un gaillard qui faisait ça dans un cirque avec un plein succès. Jamais entendre rester sur le plancher des vaches, assura le syndic. Toi qui te plains un peu de l'estomac, Les secousses te faciliteront la digestion. J'en aurais joliment besoin, répondit le voyer, après la deuxième aventure qui m'est arrivée. Comment? Il t'est arrivé une deuxième aventure? C'est-à-dire, précisa l'autre, que ça a été le complément de la première. Un malheur ne vient jamais seul. Pour me consoler de ma vexation, je n'avais rien trouvé de mieux que de rentrer à l'auberge et de commander une fendue. Comme ça, me disais-je, j'aurais plus de courage pour attaquer le chemin à pied. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. En fait de fendue, on m'a servi une espèce de pneu antidérapant plus coriace que les bandages pleins de nos chars d'assaut. Depuis 3 jours que je l'arrose à la lie, je n'ai encore pas pu faire fondre la boule de caoutchouc qui m'est restée sur l'estomac. Et il ajouta en soupirant, « Raviste, verse-moi vite encore un petit verre de dissolvant. » Messieurs de la commune, assemblons-nous sans bruit. Aujourd'hui, une grande infortune vient de troubler le canton d'Yverdon, car le bataillon des soldats Genevois vient de passer sur le terrain vaudois. Vient de passer sur le terrain vaudois. Cette troupe incivile a manqué de respect à l'aspect du préfet de la ville, qui ma foi tous les vaut comme il faut. Les troupes de veaux, ce peuple si correct n'aurait pas fait un affront si direct. N'aurait pas fait un affront si direct. Sur une grande échelle, ils en ont fait des leurs, ces voleurs, car ce peuple rebelle, dans les pintes, buvait, se grisait, et même chantait des chants si pleins d'horreur, que les pintiers sentaient frémir leur cœur. Que les pintiers sentaient frémir leur cœur. Ils regardaient nos filles avec des vilains yeux amoureux. Ils les trouvaient gentilles, leur y disaient bonjour, cher amour, d'un air de pindour à rendre furieux. C'était vraiment honteux. C'était vraiment honteux. Thank you. Mais non, monsieur Dresjean, asseyez-vous que je vous dis. C'est que j'allais à la maison de commune. Ah, à la conférence? C'est l'émission? Mais précisément. Mais nous aussi. On y va. Il est déjà 8 heures. Ah, j'ai pour quelle heure? Et 8 heures, précisément. Allons, on a le temps. Allez, allez, prenez vite un verre avec nous. Ces histoires de sauvages qu'ils vont nous raconter, c'est émotionnant. S'agit de surmonter le bloc avant d'y arriver. Si vous insistez... Épée, la collecte se fait à la sortie. Au fond, c'est surtout ce qui les intéresse. Là, vous voilà raisonnable. Ah. Apportez-nous moi vite à demi, patron, du tout nouveau, hein, du bourru, quoi. Ah, je suis content de vous voir, monsieur le régent, parce que j'avais quelque chose à vous demander. Ah, deux ou trois jours que ça me tracasse, là, là. La municipalité m'avait chargé de vous demander de vous occuper du recensement fédéral. Mais tu retardes, syndic. Ça a déjà eu lieu. Que non. Ah oui, ce printemps, on a rempli les feuilles. Ouah. Ce printemps, c'était un recensement cantonal. Maintenant, c'est le fédéral. Ah. Et puis les chiffres ne sont pas les mêmes. Paraît pas. C'est-à-dire qu'à Berne et à Lausanne, ils n'ont pas la même machine à additionner. Ça fait qu'il faut tout recommencer. Je sais ce qui se passe. Ce printemps, le Conseil d'État vaudois avait ordonné un recensement partiel, uniquement en vue d'établir des statistiques pour la lutte contre la dénatalité. Ben de quoi? La dénatalité. C'est-à-dire, n'est-ce pas, la diminution des naissances. Voilà. C'est en somme un recensement de la dépopulation. Juste. Tandis que maintenant, c'est un recensement de la population. On n'est donc pas la même chose, puisque c'est le contraire. Ah, c'est quand même extraordinaire que les jeunes aujourd'hui aient besoin de statistiques pour faire des enfants. Nous, c'était pas si difficile. Et puis on s'en tirait quand même, pas vrai, syndic? Bien sûr qu'on peut faire ça. Mais il paraît que ça aide quand même. Il ne faut pas toujours criailler contre le progrès, caviste. C'est comme ça. Et monsieur le régent, vous êtes d'accord alors, hein? Monsieur le syndic, vous savez, avec mes nombreuses occupations, non, je demande à réfléchir. Pas question, il me faut une réponse tout de suite, ça presse. C'est pour quand? Eh bien, pour dire vrai, on aurait dû nommer le préposé pour le 1er septembre. Oh, alors, d'ici le 1er septembre, j'ai de la marge. Ça fait presque 3 mois. C'est ennuyeux. Mais non, monsieur le régent. Puisque voilà 3 mois que le syndic potasse ça chez lui. Ça doit être du tout cuit. Ça va aller, j'ai des roulettes. C'est charrette de circulaire. T'embrouilles-t-y pas d'une invention. Chaque fois, on a des misères. Mais avec celle-là, ça a été le diable à quatre. Bien sûr. Je me demande souvent, monsieur le syndic, comment vous arrivez à vous y retrouver dans ces textes ardus, officiels et contradictoires. Oh, le texte, c'est pas tant ça. D'habitude, quand je les reçois, je les donne à la Justine qui les lit. Elle a le temps, en fricotant sa soupe, ça la distrait. Alors, si c'est pressant, pour toucher un subside, par exemple, eh bien, elle me les rend et je vais chez le receveur à la première occasion. Les autres, celles qui ne brûlent pas, eh bien, elle les met dans un tiroir de la commode. Histoire de les bonner un peu. Ouais. Ça fait qu'au bout de quelques temps, elle m'a dit, Louis, te faudrait examiner ce babillard de rapport au recensement. On est déjà le 15 septembre. M'étonnerait qu'il y ait un délai au début de ce mois. Bon, que je dis, donne-moi la clé de la commode. La clé, ça veut te dire. La voilà qui fouille ses poches, ses tiroirs, ses tabliers. Que toute la maison était sans dessus-dessous pendant un paire de jours. Rien à faire. Pas plus de clé que dans ma main. Ah, charrette de circulaire, là. Et alors? Alors, je me suis dit, va falloir faire venir le charron pour forcer cette serrure. Et naturellement, le charron n'est pas venu. Oh, alors celui-là, il peut se vanter d'avoir les côtes en long. Il n'y a guère que le coup de droit qui fonctionne. Et encore, quand c'est pour payer, il se grippe. Naturellement. Mais enfin, je ne pourrais pas en faire venir un de la ville ou quoi. Et puis, ça n'est pas tout à fait de sa faute, non. Parce que je ne lui avais rien fait dire. Oh, comme ça. Enfin, on était en plein travaux, alors ça m'est sorti. Heureusement, parce qu'on a fini par la retrouver, cette clé. Ah ouais? Où ça? Elle était restée au tiroir de la commode. C'est le dernier endroit où on aurait été la chercher, ben c'est bien. Alors, j'ouvre le tiroir, les berniques, pas de circulaire pour le recensement. Charrette de charrette. Et qu'as-tu fait? Je me suis creusé la tête, parce que ça me travaillait, cette histoire. Voyez-vous qu'on oublie ce recensement et qu'à Berne, on nous efface de la liste des communes? Ça serait du propre. Évidemment, et alors? Alors, ça me travaillait. J'y pensais tout le temps, je ruminais ça. Avec au bout de 15 jours, je me suis dit, pas d'erreur, va falloir la chercher, cette circulaire. Je m'y suis mis, dimanche en 8. Il neigeait, on n'avait pas voie sortir, alors on a tout rebouillé. Et vous l'avez trouvé? Et je l'ai trouvé, ouais. Dans le tiroir? Non. Sous l'asparagus. L'asparagus? Ben oui, celui qui est près de la fenêtre de la chambre, là, sur la sellette qu'on m'a donnée à la société de chambre après ma présidence. Mais on voit, on voit. Mais qu'est-ce que cette circulaire foutait sous une asparagus? Mais c'est la Justine qui avait eu besoin de papier pour caler l'asparagus qui penchait. Alors machinalement, comme elle tenait cette circulaire, elle l'a pliée en quatre sans plus plancer, puis hors des petits. Ah, et dire qu'il y en a qui disent que les circulaires ne servent à rien. Ouais. N'empêche qu'avec cette bureaucratie qu'il faut se tenir, le métier de syndic n'est plus ce qu'il était, c'est devenu ingrat. Alors, monsieur le régent, c'est entendu, on compte sur vous, quoi. Puisqu'il s'agit de rendre service. Ah, j'en étais sûr. Vous passerez vers la bourgeoise et vous mettrez à l'enveloppe. Et vous ferez pas attention aux tâches, hein, c'est de l'eau. Elle arrose tous les jours son asparagus, là. Maintenant, messieurs, je crois qu'il nous faut y aller. Ah, où ça? À la conférence, parbleu. Oh, vous êtes plus pressé qu'un diable. Mais il va falloir attendre 5 minutes. Puisque vous avez bu du demi au syndic, vous ne pouvez pas refuser de boire du mien. Ça serait une affront. Et 5 minutes de plus. C'est ça, 5 minutes. On reprend du même, quoi. Eh, par Dieu. Ah, ça me fait penser à cette rosse d'Alcide. L'Alcide au Charonne, vous savez. Ouais. Quand on avait eu cette séance de la Fédération romande à Neuchâtel, on débarque. Il y avait moi, l'Alcide et 2 ou 3 autres. Et route pour le buffet. Comme de juste. Naturellement qu'au buffet, on se cogne contre le grand Casimir de la Proie et d'autres délégués neuchâtelois qui avaient eu la même idée. Nous voilà partis à fraterniser. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Enfin, tu attends ça, quoi. Ouais. Là-dessus, un neuchâtelois dit, « Alors, messieurs, nous allons boire une goutte de vin. » Et mon Alcide, avec son air de ne pas y être, qui se tourne vers moi et qui dit, moi, je suivre pour suivre les habitudes de l'endroit où on est. Chez nous, dans le canton de Vaud, on a l'habitude de boire du vin. Mais puisqu'on est à Neuchâtel, je proposerais plutôt qu'on boive une goutte de Neuchâtel. Oh, c'est un tout crouilleux, Alcide. On a ri. Et les Neuchâtelois, ils riaient aussi. Ouais, c'est-à-dire qu'ils riaient, là. Comment on rit quand on a envie d'éternuer? Les Neuchâtelois, ça rit jamais franchement. Comme tout ce qu'ils font, ça n'est jamais tant franc. Ah, sauf quand ils se verrent. Oh, ça, alors là. Du reste, ils sont pas les seuls de leur espèce. Vous pouvez aller où vous voudrez autour de vous, vous ne trouverez que des gaillards tout prêts à se vanter. Tenez, les Genevois, quand ils ont dit « Genève », ils sont tout dit. Oh, et puis toujours à rouspéter, comme si on les égorgeait. Et puis cette manière de parler, pas comme tout le monde, comme s'ils avaient peur qu'on les prenne pour les autres. Il n'y a pourtant pas de risque. Oh, alors. Mais les pires, c'est encore les fribourgeois. Oh, pour c'est même pas la peine d'en parler. Ça roule les airs. On se demande pourquoi. Ça mange des fondues tièdes, qu'on dirait du caoutchouc réchauffé. C'est toujours leur religion à la bouche, des petits mondes, quoi. Tout petit. On ne voit que les Valaisans pour être encore moins. Sous prétexte qu'ils ont du vin buvable. Et encore. Chacun ses goûts. Enfin, mettons. Mais alors, ça vous a une de ces prétentions, mon Dieu. Et une de ces grappenisses, toujours peur d'y perdre. Et arriéré avec ça. Enfin, du tout petit butin. Ouais. Heureusement qu'il y a nous. Ouais, c'est vrai, ça. Si on voulait, on pourrait aussi se vanter, non? Pardieu! Un canton qui a le meilleur vin blanc qui soit. Des paysages comme il n'y en a nulle part. Une instruction publique citée en modèle. Une campagne florissante. Des autorités de sorte. Enfin, tout, quoi. Tout, vous pouvez le dire. Ah, je vous garantis qu'on pourrait aussi se monter le coup, comme tous ces gaillards qui nous entourent. Ouais, eh bien, malgré tout, on ne le fait pas. On reste chez soi, tranquille, modestement, sans faire tant de fla-fla. Sans s'occuper des autres. Et même qu'on se retient d'en dire du mal. Oh, on en a quand même une rude couche, hein? Parce qu'on a beau rire, on est quand même à moitié sérieux. Ouais, la petite moitié. Parce que tous ces gaillards, on les aime bien. Il n'y a qu'à rencontrer un en Suisse allemande. Un pire. On lui saute dessus comme si on retrouvait sa bonne amie après une année d'absence. Parce qu'ils ont beau avoir tant de défauts. La Suisse romande, c'est quand même la Suisse romande. Et chantons encore le pays romain de tout notre cœur et tout simplement. Et chantons encore le pays romain de tout notre cœur et tout simplement. Et cette fois, je vous quitte, messieurs. J'ai promis d'aller à cette conférence. Elle a déjà commencé depuis au moins un quart d'heure. Oh, oh, oh, pas si sûr que ça. Voyez-vous, le conférencier a sûrement soupé à la cure. Il y aura eu café, pousse-café, enfin tout ce qu'on met pour les visites. Puis là-dessus, il y a des tas de mains à serrer en arrivant. Oh, vous m'étonnerez qu'il cause déjà. Allons voir. Il faut pas trop risquer. Si on arrive maintenant, le ministre sera forcé de me présenter le conférencier. Ça fera des masses de retard en plus. Et puis moi, eh bien, j'ai une idée. Sûrement qu'ils sont en train de chanter. Il est vrai que cela commence toujours par un cantique. Justement. Eh bien, allons-nous. Avant chanter une avant d'aller. Ça fait qu'on sera au diapason. On est là, seul dans cette fête. Ça fera un écho. Allez, syndic. Anton. Le labo a plus d'un titre, est aimé du bon vaudois. Quand il est devant son litre, il se moque bien des rois. L'on voit briller dans son verre le doux jus de nos coteaux, dont la couleur est si claire, c'est du bon vin de Lavaux. L'on voit briller dans son verre le doux jus de nos coteaux, dont la couleur est si claire, c'est du bon vin de Lavaux. Quand la journée est finie, voyez-vous au cabaret cette troupe réjouie qui savoure du clairet. L'on rit, l'on boit et l'on chante notre cher canton de Vaud et ses vignes sur la pente où croit de si bon Lavaux. L'on rit, l'on boit et l'on chante notre cher canton de Vaud et ses vignes sur la pente où croit de si bon Lavaux. Quand la mort viendra me dire, mon ami, tu dois partir, avec ce vin qui m'inspire, je saurai la retenir. Je lui dirai, ma commère, viens visiter mes tonneaux, et la laisserai par terre, pleine de jus de Lavaux. Je lui dirai, ma commère, viens visiter mes tonneaux, et la laisserai par terre, pleine de jus de Lavaux. Quelle goutte ça veut devenir, ce 41. Oui, ma foi, pourvu que vous en laissiez. C'est vrai, quand c'était joliment appendu à ce bourru ces jours derniers. D'abord, le lui doit, qu'êtes-vous, comme ils disent au convert. De quoi aurait-on l'air, s'il vous plaît? Car le grand vigneron vous fait l'honneur de vous fourrer de ça dans vos vases, si on le méprisait. Et puis ça, c'est prouvé, il n'y a rien comme ce bourru pour faire descendre ce poison de brouillard de novembre. Et avec ça, qu'il ne veut pas être moins bon à boire avec le jambon qu'avec le brouillard. D'accord, seulement, pour le boire avec le jambon, il faudrait d'abord avoir le jambon Et pour le jambon, vous savez ce qu'il y en est cette année? Il paraîtrait qu'ils les retiennent tous à Berne pour se faire des mollets le jour qu'ils devront déménager les bureaux. Pour cet hiver, bonsoir. Ouais. Ça n'est pas les jambons pendus qui veulent nous empêcher de voir les étoiles au travers de la cheminée. Voulez-vous, ça sera comme le pasteur prêché dimanche. Tu ne tueras point. Dites-moi, dis donc, si c'est pas malheureux, jusqu'au pasteur qui ne veut plus qu'on tue, lui qui tuait régulièrement son gaillard aux alentours de la Saint-Martin. Quelle misère, y a pas le monde. Ouais, ouais. Tenez, le vieux Jaco, eh ben, mets ta vie que c'est ça qui a dû l'abréger. Oh. Pas tué. Mais pas tué pour lui, c'était comme pour vous de ne pas avoir. On ne montrera pas de l'idée que c'est l'idée de ne pas tuer qui l'a tué. Parce qu'alors, pour aimer son cochon, eh ben vous pouvez chercher. Jamais, jamais vous ne retrouverez l'appareil au père Jaco. Tout le temps fourré au bâton, tout le temps à dorloter son goret. Quand le caillon était de bonne, le père Jaco était de bonne, ça se lisait sur sa personne. Quand on le voyait grège, n'auriez pas été lui demander « Qu'y a-t-il donc qui ne va pas, père Jaco ?» Hein? Vous lui demandiez « Qu'est-ce qu'il a, votre fribourgeois ?» Eh bien, voilà qu'il disait « Il tousse, il a de la nuit, il a le décroît, l'anémie. Faudra que de ses joues, je le mène au docteur. » « Au docteur ?» que lui a fait une fois riquer ma main. « Ça n'est pas au docteur qu'il vous faut le mener, père Jaco. Amenez-le plutôt au café. » Une petite goutte de blanc par-ci par-là, ça ne peut pas leur faire du mal. Et puis ça l'amusera de voir de la compagnie. Oui, mais c'est que le père Jaco n'a fait ni une ni deux. Il vous amène son caillon au café avec une ficelle à la piote. Vous auriez dû voir la bobine du patron. Dites donc, père Jaco, c'est-tu des manières à votre âge de prendre les établissements publics pour une appense de votre boiton? Voulez-vous me ramener ce citoyen un peu vite? Je ne veux pas de cochon chez moi. Alors, que lui a répondu tranquillement le père Jaco en cadastrant les clients qui se trouvaient là. Alors, et ces autres? Combien de fois ne l'a-t-on pas vu descendre de la cuisine avec un pot de camomille et devant la porte, il a pigeonné déjà son pensionnaire. On vient mon petit, mon garçon. Voilà les camomilles aux petits qui s'amènent et qu'on va être content, content. Mais s'il avait fallu, il lui aurait bien donné la cuillère. Alors, naturellement qu'à ce régime, son goret devenait exigeant. Pas rien de retard pour les 10 heures ou les 4 heures, on ne parle pas du dîner. Mon gaillard vous poussait de ses cyclées et puis il vous foutait tout occupé, ce pas le boiton. Comme il est arrivé cette certaine fois que le père Jaco avait justement des visites, ouais, des messieurs de l'Open qui venaient déguster son 39. On ne s'entendait plus à la cave, dans ce cochon bramé. À la fin des fins, il a fallu que le père Jaco lâche les guillons et aille voir au boiton. Mais croyez-vous qu'il lui aurait seulement envoyé son pied où je me pense pour lui apprendre à vivre à ce malotru? Rien du tout. Il n'a fait que de l'empoigner doucement par les oreilles, et puis en le tribougnant gentiment de ci, de là, il le chapitrait à voix basse, oui. Alors, mon garçon, mais patience! Écoute-moi, il faut que je t'explique. J'ai justement là des messieurs de l'Open qui sont venus déguster le nouveau. Tu vas pas nous faire vergogne en grognant comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils iraient penser de nous à Berne? Montre le roi que tu es un vrai vaudois. mais oui, il était beau, le père Jaco. C'est quand il tuait son cochon. Son idée, n'est-ce pas, c'était qu'un cochon est fait pour tuer, que le jour où il va passer en saucisse, c'était en somme son jour de gloire. « Je ne le tue pas !» qu'il disait drôlement. « Je le sacre !» Et pourtant, hein, l'idée qu'on allait se séparer d'un ami pour toujours, peut-être, ça n'était pas sans lui faire quelque chose. Il avait bien sa petite larme à l'œil quand il en venait à attacher son goret sur le trabetset et à donner le dernier coup de molette au coutelas, histoire d'avoir le fil bien propre. Et qu'en essayant un dernier coup du fil sur son pouce, il vous lâchait, tu sais, sa fameuse oraison funèbre. « Tout à l'heure, mon garçon, tu seras plus heureux que nous. » Oh, père Jaco, il n'y en avait pas que deux comme lui pour faire la saucisse au foie. Ça n'était pas de ces couilles saucisses au foie comme ils en vendent sur la riponne, où ils y mettent la moitié de rien et l'autre moitié du même. C'était des saucisses au foie où il y avait du foie. Un foie de cochon, finalement, ça n'est pas gros comme une église. Après 20 saucisses, vous l'avez d'abord usé. Et puis avec ça, un bon dixième de cette couenne, comme il y mettait, bien marinée dans du vin blanc et mijotée à feu doux du samedi soir au lundi matin. C'est ça qui pouvait s'appeler des saucisses au foie. Rien que pour une boucle, on y aurait marié sa fille, même s'il lui avait manqué des yeux en moins. Eh bien, tout ça n'a pas empêché que ce pauvre père Jacques, ça en est allé bien tristement. Lui qui aurait tant aimé finir sur un goût de saucisson. Des fois que le dernier goût vous resterait sur la langue pour l'éternité, qui disait. Autant un bout de fa qu'un bout de gravier. Eh bien, quand il s'est sorti à l'article et puis qu'il a voulu réclamer ce bout de fa à sa Louise, celle-ci n'a rien voulu savoir. Mais voyons, Émile, qu'il lui dit, sois raisonnable. Dans un instant, Émile, tu vas être plus heureux que nous. Il te faut nous laisser ce bout de fa pour nous consoler le jour de ton enferrement. Tu sais, femme, tout de même, quand ça s'y met, ça peut venir joliment égoïste. Oh, tu peux le dire. Mais cette fois, on y va. C'est sûrement commencé. Probable, oui. Tout que si vous vous en allez, vous auriez l'air de ne pas vouloir payer votre demi. Eh ben, c'est pas des choses à faire. Jamais 203 du reste. Et je pourrais vous répondre, 2 c'est assez, 3 c'est trop. Non, non, c'est pas un proverbe, c'est un jeu. Tandis que nous, on n'est pas ici pour s'amuser, quoi. Alors, patron, ramène-nous un même. Monsieur le régent plein la soif. Et je vois que c'est une conspiration. Enfin. Franchement, hein, ces histoires de nègres, ça vous fait pas besoin ou quoi? Et ces projections lumineuses, toutes ces négresses à demi-nues. Moi, je trouve pas ça convenable. Si on nous montrait des blanches dans cet état, eh ben, le ministre serait le tout premier à faire du boucan. Et il aurait raison. C'est pas des choses à encourager. Dites-moi, monsieur le régent, vous qui êtes instruit, les nègres, au fond, ça vient de quoi? Je ne comprends pas. Ouais, à la rigueur, on comprend qu'il y ait des genouvois, des autres et même des étrangers. Mais des nègres, au fond, comment ça s'est-il fait? Ah, je vois. Et mon Dieu, il y a plusieurs explications. Mais je ne voudrais pas vous ennuyer avec des choses plutôt scientifiques. Et allez-y, monsieur le régent, comme ça on s'instruira encore mieux qu'à la conférence. Alors, votre explication. Eh bien, un des savants les plus renseignés que j'ai eu l'occasion d'approcher affirme que c'est uniquement une question de climat. C'est possible. Ça serait uniquement du bronzage. Pareil. Oh, ça m'a laissé sceptique naturellement. Ça paraissait trop simple. Mais cet homme m'en a fourni une preuve qui m'a laissé sans réplique. Racontez-moi, Manlo. Racontez, monsieur. Je ne voudrais pas abuser. Non, allez-y. Eh bien, voilà. Cet homme était allé en Afrique, dans l'Ubangi. L'Ubangi? Ça n'est-il pas un pays où l'on fait des parfums? Pas que je sache, non. Que oui, j'en avais apporté une fiole à ma femme un jour que j'avais raté le dernier train et que je n'étais rentré que le lendemain. Oubigan! Pardieu! Oh, je confonds! Bref, il y était avec sa femme, une blanche qu'il avait épousée avant de partir. Et alors, au bout de 2 ans de séjour, il aurait né un enfant. Et cet enfant se trouvait être presque noir. À mi-chemin, quoi, un mulâtre. Et comme cet homme était un scientifique, il s'est penché sur le problème et en a conclu que ce ne pouvait être qu'une question de climat. Ça m'a paru irréfutable. Sacré régent, hein. Ça vous a donné des airs sérieux. Si c'est ça les théories scientifiques modernes, je comprends que tous les gamins veuillent faire des études. Là-dessus, messieurs, je ne sais pas ce que sont vos intentions. Pour moi, je pars. Où ça? La conférence d'émission. Diable. Enfin, puisque vous êtes impressé, allez-y, on vous rejoindra tout à l'heure. On sera en tout cas à la sortie, ça fait que vous pourrez nous raconter. Bonsoir, monsieur le syndic. Bonsoir, caviste. Bonsoir, monsieur le régent. Et si jamais on se décidait à ne pas y aller, c'est en jamais, avec les incoubles qu'il y a, on se retrouvera dans 15 jours, même heure. Thank you. Thank you. Vous dérange pas au moins, monsieur le régent. Du tout, du tout. Parce que vous savez, si vous avez envie de continuer votre petit clopé, on peut vous attendre à la cave. Vous vous y ennuieriez, caviste. Il n'y a pas assez de compagnie pour vous dans une cave de régent. Oh, si les habits me plaisent, j'ai pas besoin d'une nombreuse compagnie. Avec deux tonneaux et autant de casiers, ça fait déjà une conversation. Nous verrons ça tout à l'heure. Mais à quoi dois-je l'honneur? Eh ben voilà, on s'est arrangé pour convoquer la municipalité et la commission scolaire pour la semaine prochaine. Ah, ça n'est donc pas au caviste que je parle, mais au président de la commission d'école. Parfaitement, oh, mais vous savez, il n'y a que le dehors qui change. Ouais, le grain de sel n'a pas bougé d'un cran. Enfin, bref, on s'est dit qu'on pourrait peut-être voir à examiner ce qu'on pourrait envisager. Dans le cas que ce serait vraiment nécessaire. Oui, et puis que ça ne coûte pas trop. Enfin, sans engagement, bien sûr, une simple étude. Comme il se doit. On ferait des propositions et il resterait à les faire accepter. Parfaitement. Enfin, vous voyez, quoi. Non. Comment non? Vous pensez bien qu'on ne peut pas s'en décider d'un coup? Ça demande à être mûri. Va falloir peser le pouls et le compte. Et voir le budget. Vous savez, la situation de la commune n'est pas si brillante qu'on dit. Pour le moment, ça va, mais enfin, il peut venir des époques difficiles. Ça fait qu'il faut être prudent. Écoutez, messieurs, je comprends très bien que vous ne désirez pas vous engager. Je sais que rien n'est définitif. Bon. Seulement, il y a une chose que je ne sais pas encore. De quoi parlez-vous? Comment? De quoi? De quelle dépense? De quelle entreprise? Vous êtes tellement prudent que... Et par Dieu, bien sûr! On s'est encoublé dans les réserves et on n'a pas dit le principal. Ben quoi, vous devinez bien qu'on vient pour les réparations. Des réparations? Au collège? Bien sûr, pas au cursal. Bien sûr, mais c'est que pour une surprise. C'est une surprise. Oh, alors si c'est comme ça, si vous n'en avez pas besoin, hein, on n'insiste pas, on ne force personne. Pas besoin, vous allez voir ça en détail. Seulement, comme voilà 5 ans que je vous en parle, n'est-ce Précisément. Pas... Précisément. Comme il y a 5 ans que c'est urgent, on s'est dit que ça pourrait commencer à presser un peu. Alors... On vient se rendre compte sur place. On ne dérange pas Madame la Régente, au moins. Eh non, elle est en ville aujourd'hui. C'est du reste regrettable. Oui, c'est dommage. Oui, c'est regrettable, oui. Mais c'est quand même un peu à cause de ça qu'on est venu aujourd'hui. Oh, c'est pas qu'on ait quelque chose contre elle. Oh, par Dieu, non. Seulement, quand on commence à causer réparation avec les femmes, c'est pire qu'avec les architectes. Au bout d'une heure, on en a pour 20 000 francs. Ça vous décourage avant de commencer. Eh bien, c'est elle qui va être contente. Ça, alors, pour une surprise, je n'en reviens pas. Et ça serait pour quand? Oh, si on fait quelque chose, autant le faire tout de suite. Ouais, faut pas que ça traîne, ces affaires. Et dire qu'il y a 2 mois, vous me disiez qu'il n'en était pas question. Ouais, même que vous m'aviez fait chagrin. Je me suis demandé un temps si vous ne tripotiez pas avec ceux de l'autre parti. Moi? Quelle idée? Pourquoi? Ben, parce que en période électorale, les projets, il faut s'allaisser à l'opposition. Et les promesses, ben, c'est à ses ennemis qu'on en fait, pour leur boucher le bec. Par Dieu, s'il fallait se mettre à faire des promesses à ses amis en temps d'élection, ça serait de la démagogie. Bien dit. Et notez que les amis sont quand même les mieux servis. Parce que les promesses qu'on tient le mieux, c'est celles qu'on n'a pas faites. Voilà. La preuve, c'est qu'on est là. Moi, ça fait 3 ans que je dis, droit passer les élections, va falloir regarder ce collège. Mais il ne s'agissait pas d'agiter cette dépense avant les votes. Oui, la conduite des hommes a des secrets que j'ignore. Par Dieu, vous ne conduisez que les enfants, vous. Et qui sont forcés d'être d'accord. Et je vous garantis que si les enfants renommaient le maître tous les 4 ans, ça changerait les méthodes. Dans un village, voyez-vous, il y a 2 sortes d'électeurs. Il y a les prudents, ceux qui n'ont que le budget à la bouche. Et il y a les autres, les jeunes, les entrepreneurs, qui veulent bâtir, réparer, subsidier, Dieu sait quoi. Si on écoutait que les premiers, on ne ferait rien et nos villages auraient couille figure. Mais si on écoutait que les seconds, on serait sous régie, il n'y en a rien de temps, avec des dettes dans tous les coins. Évidemment, ça ne doit pas être facile. Que oui, c'est facile. Enfin, en réfléchissant un peu, en sortir. Moi, je partage la législature en 2. La première année, je la donne aux entrepreneurs. Et les 3 autres sont pour les prudents. La première année, on fait 1, 2, 3 choses. Comme cette fois, ben, on fera le collège, on retapera un peu la laiterie, et puis on élargira le chemin du vallon. Ouais. Ben, ça fermera le bec au gros Alcide qui s'agitait rudement, voici un père de moi. Et puis c'est juste, ce chemin est mauvais. Ben, puisque je te dis qu'on va le refaire. Alors les entrepreneurs seront contents. On aura fait quelque chose, ils pourront digérer ça pendant 3 ans. Seulement, ça fera des dépenses, forcément. Ce qui fait que les autres, mon Dieu, ils vont hurler. C'est dans l'ombre. Je m'y attends et je suis prêt. Je leur promettrai des économies. L'an prochain, on amortira un peu. Dans 2 ans, ça sera le grand tour de vis, avec un discours au Conseil général sur les compressions. Et aux élections, dans 4 ans, je pourrais dire aux uns, on a fait ci, on a fait ça, et aux autres, je déclarerai, en 3 ans, on a amorti la dette de temps. Et tout le monde sera content. Oh, c'est beaucoup dur. Enfin, content, content, en manière de causer. Ça n'empêche que voilà 5 fois qu'ils m'ordonnent. Alors, le reste, c'est question de flair. Tenez, pendant les 3 ans de prudence, eh bien, les autres font des projets, ça les distrait. J'en entends parler, ça me dirige. Je vois quels sont les meilleurs, ceux qui ont le plus de tenants. Enfin bref, quand il faut faire quelque chose, ben je sais où aller, quoi. Mais au fond, vous êtes un vieux philosophe, monsieur le syndic. Oh, ça n'est pas moi qui ai ça inventé. Voyez-vous, notre vieux système, on dirait qu'il a attrapé la gale. À entendre les gens, il n'a que des défauts. Eh bien, moi, je dis que, par exemple, ces législatures de 4 ans avec l'élection qui fait soupape, c'est malin qu'un diable. 2 heures, ça serait trop court, on s'y ruinerait. 10 ans, on s'endormirait. 4 ans, c'est juste doser pour faire la part de tout un chacun. Eh, puis tonnerre, les résultats sont là. Alors, moi, quand je vais en ville avec le char, eh bien, je me réjouis d'un village à l'autre. Quelle belle commune il y a dans ces coins. On a chaque fois envie de s'arrêter pour boire un verre. Alors, quand j'entends de ces hurluberlus de 24 ans qui viennent nous dire que ceux qui ont fait ça étaient des gnagnous, des salmoineaux ou Dieu sait quoi, je me cramponne. Et je crois bien que si je n'avais pas de diable, de corps ou gros orteils droits, ils n'auraient pas besoin d'ouvrir la porte du café pour s'en aller. On leur enverrait leur chapeau, là, par la porte. Permettez un instant, s'il vous plaît. Je vais aller chercher les clés. Mais au fait, on est rude bien assis dans vos fauteuils, vous savez. Tonnerre. Crois-tu qu'il se met bien, le régime? Ce piano, ça se va coûter dans les 1000 francs. Ouais. J'y pensais justement. Dis voir, caviste, pour faire avaler la dépense du collège, si on proposait un impôt sur les pianos, oh, pas grand-chose, enfin, 10 francs, quoi, ça serait un geste. Voyons voir, combien y en a-t-il au village? Eh ben, il y en a 3. Ben, celui au régent, celui de la cure, et puis celui de la vieille Isaline. Comme ça, le régent ne serait pas seul, il se sentirait pas visé. C'est une question à creuser. Et puis ça ferait 30 francs de net pour la commune. C'est l'intérêt de 800-900 francs. Ça permettrait de retaper la cuisine à la régente. Ah, pas le tout. Mais regarde voir ces photographies. Elles ont au moins 1 mètre de haut. Ouais, je crois que la régente avait des sous. Oh, ça, c'est ça. En tout cas, elle avait un rude trousseau. C'est immeuble. M'étonnerait pas que ce soit des louis. Et ce tapis par terre, c'est immoelleux. On dirait qu'on marche dans de la beuse. Ouais. Oh, c'est du riche, rien à dire. Voici les clés. Et nous allons commencer par les salles d'école. Bon. Par ici. Voilà. Ça, c'est dans la classe des grands, ma classe. Vous voyez, c'est tout à fait dégradé. Ces fenêtres qui ne joignent plus, ce tableau noir... Qu'est-ce qu'il a encore fait le petit Onisset de la Forge pour être marqué au tableau? Oh, un petit crapaud, ce gaillard-là. Non, pas même, gentil garçon, mais un peu borné. Un peu têtu. Têtu? Eh ben, il a de qui tenir. Dis donc, tu te souviens, Caviste, quand son père et le loyon des parquis avaient parié de ne pas mettre les pieds à la pinte pendant 1 année. Me remets pas. Oh, c'est vieux, ouais. Oui, vois-tu, ils avaient eu une niaise avec le peintier. Rapport qu'il avait pris du bourg un aile que le Nicé avait joué pour mettre le loyon pomme. Ils en étaient au 5-6e demi, c'était énervé. Alors, de fil en aiguille, Les voilà qui jurent solennellement devant tous les autres qui étaient là qu'ils ne mettraient plus les pieds au café pendant 12 mois pleins. Oh, ça devait les priver parce que le Loyan et le Nicet. C'est à cause d'eux ce qu'on a dû rater. C'est pas à cause d'eux ce qu'on a dû rater. C'était une sauce. Oh, ouais, c'est bien que je me disais alors. Oh, privé il était. Mais encore plus têtu. Oh, ça fait que pendant un paire de jours, ils tiennent, ouais. Nous, on les attendait, vous pensez bien. Il y avait toujours quelqu'un au village pour avoir un œil dans la direction de la pente. Un beau soir, avant 13h, les voilà qui se ramènent les deux. Ils s'approchent du café. De toutes les écuries, il y avait une tête qui sortait pour savoir comment ça finirait. Ils arrivent devant la porte. Ils frappent. Et voilà que le pintier leur apporte 1 litre et 2 verres. Mes gaillards ont sa bu debout devant la porte en posant le litre sur la fenêtre. Et ça a été ainsi toute l'année. Dès que le pli a été pris, ben, ils tapaient aux vitres de la fenêtre et on les servait là. En été, ils se sont installés une table et un banc devant la maison. Et hardi petit, mes gaillards s'installaient là pour taper le carton. En sorte que non seulement ils n'ont pas mis les pieds à la pente, mais que nous, si on voulait faire un yas, eh bien, il nous fallait sortir avec eux. Ça fait que si le fils au Nicet n'était pas têtu, alors à moi la peur. Eh bien, ça me fait drôle chaque fois que je reviens dans cette classe. Dis voir, syndic, tu te souviens de notre temps. On n'était pas si gourmands. On l'aurait trouvé magnifique, cette classe, avec ses oiseaux empaillés. Ces tableaux. Oh, alors là, quoi que ces tableaux, c'est mal fichu. On voit que ça vient de la ville. Oui, c'est ancien. Oui, ça ne correspond plus guère aux méthodes en cours, alors qu'il est. Oui, oui, peut-être bien, mais c'est pas ça que je veux dire. Regardez-moi ces mesures. Voilà, le litre, le demi, le deci. Quel est l'embrouillet qui a dessiné des litres de métal, avec une manœuvre encore? Alors, pour dire qu'on est dans un pays de vignobles, moi, je dis que c'est une insulte. Et puis, dis donc, ça indique le droit. Et puis, ces livres de chant qu'ils ont, regarde-moi ça. Nous, bon, on n'était pas si difficile que ça. Oh, dis donc, si on refaisait l'école pour rigoler, hein, qu'on en chante une les trois, là, une de ces toutes vieilles. D'accord. Allez, au revoir. Laquelle? Eh ben, tu sais, c'est là-bas, près du village. Le 76? Oui. C'est là-bas, près du village, c'est au pied du clocher noir, sous l'ormeau dans le feuillage, se balance au vent du soir, la finisse, nos misères. La repose, nos vieux pères, jusqu'au jour du grand réveil, on s'y trouve un doux sommeil, jusqu'au jour du grand réveil, on y trouve un doux sommeil. La pelouse est inégale, on la voit comme des flots, élevée par intervalle, s'abaisser dans cet enclos de la tombe qui s'efface. Mille fleurs prennent la place jusqu'au jour du grand réveil. On y trouve un doux sommeil jusqu'au jour du grand réveil. On y trouve un doux sommeil. Alors ça nous rajeunit. Ouais. Et dites donc, au fort et Jean, vous êtes tout douillet dans votre collège. Une fois les gamins partis, vous devez vous faire l'effet d'un gros propriétaire. Mais dites voir, Réjean. Les premiers temps, quand vous sortez tout droit de la ville et puis que vous vous trouvez transporté dans un endroit que vous n'avez jamais vu, ça va faire des drôles de moments. Il est de fait qu'entre l'école normale et la pratique, il y a toute une série de nuances. Je pourrais vous en raconter. Oh, ben raconte-en. Tenez, mes premiers examens. J'avais repris une classe en automne et j'avais la visite au printemps. J'étais, vous pensez bien, dans tous mes états. Je rêvais la nuit de ce fameux pli du département qui contient les dictées et les problèmes. Oh, il y en avait une qui commençait ainsi. Sous le péristyle de la véranda, appuyé à la balustrade. Ouais, une faute par mot, quoi. Bon, mais je t'y échappais, ben, c'est bien. On t'en Bref, l'examen se passe. Il y avait là le syndic et le président de la commission des écoles comme partout. Et à la fin, le syndic me félicite. Comme partout aussi. Ben, parle, bien sûr. Moi, je lance un coup d'œil sur les notes qu'avaient mises ces messieurs, et je vois qu'ils avaient tranquillement donné un au grand, deux à tous ceux du degré moyen, et trois au petit du degré inférieur. Ah, t'embrouilles d'une méthode, alors. Il y avait notamment dans les grands un gaillard qui allait sortir de l'école et qui n'était pas capable d'écrire une ligne. Il avait ses un comme les autres. Ouais. Je m'en étonne et le syndic m'a répondu. Mais voyons, monsieur le régent, c'est juste. On ne peut pourtant pas donner un au petit. Ils ne savent pas tout. Tandis que les syndics, eux, ils savent tout. Tout est là. Eh bien, moi, je me rappelle d'un incident qui s'était passé à l'arrivée d'un jeune régent et celui qui vous a précédé. Oh, il était tout coquet, enfin bien pris de sa personne, traitement fixe, etc. Alors voilà, toutes les filles du village en cupesse. Il y avait surtout les Vermont du Taulard. Ils sont partis depuis, vous les avez pas connus. Qui avait une grande bringue de filles qui ne trouvait pas preneur. Elle avait ses qualités, oui, mais elle était myope comme une taupe. Ça fait que voilà les Vermont qui invitent le régent à souper. Et le père dit à la fille, « Regarde, là au milieu de la table, je mets une épingle. Alors pendant le repas, tu feras tout d'un coup, et une épingle, et puis tu la ramasseras. » Comme ça, le régent verra que tu es moins myope que tu n'en as l'air. Attendez, on se met à table. La soupe n'était pas dans les assiettes que la fille tend le bras et dit « Eh mon Dieu, une épingle, là, qui t'aura pu la mettre sur cette table ?» Le père dit « Par Dieu, ça y est, heureusement que tu as de bons yeux. Vois-tu que cette épingle se plante dans le pain que notre nouveau régent la mange ?» Comment que fait le régent? Vous avez de si bons yeux que ça? Elle, que dit le papa? On ne croirait pas. Elle a une vue extraordinaire. Même que l'autre jour, elle me dit, « Dis, papa, regarde-moi cette mouche, il y manque un œil. » Une mouche qui volait par la chambre que je l'avais même pas remarquée. Ça fait que la petite, toute fière de son succès, se met à faire de grands gestes en causant, et puis, d'un revers de main, elle tape droit sur la soupière qui se renverse, pam! Et on l'entend qui dit en minaudin, « Va-t'en, Minet, on ne monte pas sur la table quand il y a des visites. Ah » Trop parlé, lui. Oui, c'est grâce à ça que nous, les hommes, on peut encore se défendre, parce que les femmes, si malines qu'elles soient, il y a toujours le moment où elle dit un mot de trop. Ah, seulement des fois, c'est trop tard. Mais, à propos de femmes, si nous continuons notre tournée, il y a justement la cuisine en face qui est dans un état épouvantable. Vous savez, on s'est bien rendu compte. Oh, j'insiste, si ma femme savait que vous n'êtes pas venu à la cuisine, alors... Surtout qu'on s'y connaît pas tant, nous. Écoutez voir, Réjean, le mieux, ce sera que vous fassiez une liste, hein? Pièce par pièce. Il manque ci, il y a ça à rafraîchir. Là-dessus, ben, on demandera un devis. Puis on reviendrait sur place pour voir ce qui est vraiment nécessaire, au chiffre en main. Oui, ça c'est le mieux. Parce que nous, on ne demanderait pas mieux que de vous faire un collège de première avec véranda, péristyle, balustrade pour s'appuyer et tout le fourbi, quoi. Et c'est les chiffres qui nous diront ce qu'on peut faire. Si c'est comme ça, parfait. Je vous ferai ça très vite. C'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, à présent, Régent, les cuisines, c'est comment vous disiez, on n'y connaît rien. C'est pour ça qu'on n'y va pas. Mais pour ne pas être venu pour rien, on pourrait peut-être voir la cave. Je pourrais tout de suite vous dire si elle convient. Je l'avais sans dire. Oui, oui, c'est toujours plus sûr de le dire quand même, avec la malice des gens. Ouais. Alors, suivez-moi. Attention, c'est sombre. Il y a 7 marches. Santé. Et ce nouvel an, s'est-il bien passé? Oh là, rien ne va jamais comme on veut. C'est bien comme la Louise de la Grappe avait dit en revenant de chez la voyante du petit Saint-Jean, qui voulait venir des traverses par ce nouvel an. D'abord, l'évier s'est trouvé gelé, après quoi la Rosine a mis les ourles. Troisième, on avait décidé d'acheter une poule à la mère Gonnet, histoire de s'offrir une estrade. Une poule? Eh bien, comme tu y vas. C'est qu'ils ne les donnent pas, les poules, par le temps qui court. Pense-tu, une vieille qui avait les dents qui branlaient, 4,50 francs, ni plus ni moins, et puis rien à faire pour avauder. Voyons, voyons, mère Gonnet, 4,50 francs à présent que les bestioles ne font plus d'offres. Justement, que repipait la mère Gonnet. C'est autant de plus qu'elle garde dans le corps. C'est plutôt fait pour les renchérir. Et alors, a-t-elle au moins été bonne pour son prix, cette poule? Si vous croyez, eh bien, l'Adèle l'avait placée sous la table de la cuisine. Le temps d'enlever son fanchant, la poule n'y était plus. C'est cette vermine de matou à mêlant qui se veillait par le corridor, qui te l'avait cueillie et déjà traînée au jardin. Quand on l'a eu retrouvée, elle avait déjà le croupion en main. Oh, ben si ce n'était que le croupion, il n'y avait pas encore tant de mal. Oh, que tu dis, moi, c'est justement le morceau que j'aime le mieux dans la bête. Ça m'a déjà gâté tout mon nouvel an. Et après que cuite, monté, t'aurais dû voir cette poule. On aurait dû une souche mélangée avec une corde. Ça faisait pitié pour les dents. Eh ben, bref, après avoir sucé cette filasse, on a allumé l'arbre, un petit bout d'arbre avec 10 bocons de bougies, histoire que les gamins aient ça vu. Ils ont défait les paquets, il y avait un tank pour le riquet, puis un joli tablier bleu pour la Rosine. Mais faut-il pas que la Rosine, en faisant le sage, passe autour de cet arbre, te marche sur le tank au riquet et te l'étiaffe comme une boîte de bottes. Et que de peur, elle te fait basculer l'arbre de Noël et se fiche le feu à son tablier neuf. Tout va très bien, comme dit la chanson. Oui, mais si l'Adèle ne s'était pas encore amenée avec un baquet d'eau pour éteindre l'incendie. Et cette bécasse, ne va-t-elle pas jeter son eau sur quoi? Sur mon paquet de cigares, un joli paquet d'Indiana que j'avais gagné à la tombola. Oh, ça commençait déjà à être joliment trop. Mais alors où décidément, ça a dépassé la mesure, c'est quand l'Adèle a apporté le vin chaud. Pas de bricelet. Une nuit de nouvel an et puis pas de bricelet. Non mais, est-ce que tu te rends compte? Je vois ça, c'était encore ce matou à mélange. Mais rien du tout. Il y avait seulement que l'Adèle n'avait pas fait de bricelet du tout. Là. Mais si vous avez le malheur de la prendre en défaut, ah ben ça n'est plus une femme, c'est un monstre de l'apocalypse. Ah, comme ça, monsieur voudrait des bricelets. Des bricelets avec sans beurre, sans sucre et sans fleurs. Oh, monsieur n'a qu'à dire, on veut bien lui en faire. Avec de la saccharine, de la tuile pilée, un bocon de suif à suifer les vases. Et patati et patata. En sorte que ces bricelets ont fini d'engranger la soirée. Et puis que vers les 10 heures, on s'est enfin trouvé couché. Dos à dos, avec la belle. Et puis fini. Moi, je m'étais entortillé la tête dans le coussin pour être quitte d'entendre sonner les cloches de minuit. Ouais, mais va te faire pendre. On a la chambre juste sous le clocher, que si le marguillier venait avoir un étourdissement là-haut, il tomberait juste dans le lit. Alors, au premier coup de minuit, il a bien fallu que je me réveille. Ouais, et puis vous vous êtes tourné. et puis ramiez vous vous êtes, et puis tout a été dit. Eh bien, non. On ne sait rien dire. Je me disais bien, voyons, Alfred, tu pourrais te tourner un beau corps du côté de la belle. Mais ce sera aussi bien à elle de se tourner. J'attendais donc qu'elle se tourne. Mais comme elle ne se tournait pas, ah ben je ne me suis pas tourné non plus. Oh là, bien sûr, c'est comme on dit, des situations perplexes. Le mieux, évidemment, c'est si on était sûr de se tourner les deux en même temps. Le diable, c'est qu'il y en a toujours un des deux qui retarde et qu'on a peur de faire le premier pas. Ouais, et puis si c'est l'autre qui se tourne en premier, on n'est pas tant d'humeur à suivre. Parce qu'en somme, pour l'autre, c'est une façon de prendre le dessus. Enfin bref, on s'est pas tourné de la nuit. C'est que vers le matin que l'Adèle m'a décroché une petite ruée dans les mollets en me faisant « Je n'y en ouvre. Bonne année tout de même, avec beaucoup de bricelets au bout. » Vois-tu ça? Ah, ces bricelets n'avaient pas pu passer. Pauvre ami, moi comme je vois les choses, tu en auras de ces bricelets aux oreilles jusqu'au nouvel an prochain. Les femmes sont ainsi. C'est encore joliment utile par la maison, ces femmes. Mais pour oublier une de vos peccadilles, ça se verra le jour où les vases seront carrés. C'est tout comme la mienne. On avait été à cette soirée de la dramatique de chèvre, n'est-ce pas? Mais la pièce s'est joliment continuée à la maison. Ah, et qu'est-ce qui se jouait pour une pièce cette année? Oh, encore une de ces tragédies des anciens temps. On ne sait pas où ils vont s'en chercher. Tu vois, une gaillarde, une veuve nommée Andromaque, qui demeure chez un roi avec son gamin. Oh, c'est le garagiste Junot qui faisait le roi. Il s'était mis une cuirasse en papier d'argent, un drôle de petit jupon, puis des bandes moltières qui se détachaient tout le temps. Même qu'à un moment donné, un Dufon, un tout fin dans l'alpin, Jean, il a crié « Hey Junot, il voira Pyrrhus que sa bande fout le cœur. » Oui, mais dis donc, c'est les deux, qu'arrive-t-il entre eux? Raconte-moi un peu cette affaire. Ouais, bien le roi, n'est-ce pas? Il demande qu'à, car ben, ça se sent. Mais c'est elle qui n'est pas tant consentante, rapport que c'est justement le garagiste Junot, enfin, ou le roi, si tu veux, qui a massacré son mari à la guerre. Et puis, dans le fin fond, le garagiste n'est pas non plus tant sûr de lui, attendu qu'il y en a une autre. Vous voyez ça venir? Ouais, ouais, une nommée Hermione. Ils avaient pris la nouvelle régente. Oh, Christy, une pernette comme il ne s'en est jamais vu par là-haut. Une tignasse noire, goudron, des yeux comme des langues pas soudées. Et avec ça, les pieds nus, comme je te dis, et une grande panosse d'oreille attachée sous les bras qui lui traînait par derrière, en laissant bien voir toute chose. Quand je s'en veux, j'ai senti ma chaise qui tombait en faiblesse, et j'ai pas pu me tenir d'applaudir. Mais naturellement, les coudes de Mélanie dans les côtes. Et Ernest, veux-tu bien te tenir? Débauché que tu es, je te défends de regarder cette poule. Me voyant, Mélanie, quand on te dit que c'est de l'antique. Antique ou non, je te défends de s'arreluquer. C'est à choisir, Ernest, elle ou moi. Bref, ça commençait plutôt bien. Oh, alors pour revenir à cette Hermione, on comprend que c'est une bouebe que le roi a eu fréquentée avant l'arrivée de la veuve en question, et dont il ne veut plus. Même qu'il cherche à la renfiler à un joli jeune homme, le commis au dentiste, justement, qui se promène par là avec, comme qui dirait, une de ses robes courtes de la gym des dames. Alors bien sûr qu'elle l'empêche pour ce commis et que tout est fini par là. Mais rien du tout. C'est que c'est une femme terrible. Elle t'a ce roi dans le sang. Et bête quand même, toute régente qu'elle soit, elle ne s'aperçoit seulement pas que le garagiste Junot l'a fait marcher rien que pour faire marcher l'autre. Et l'autre, bisquetelle au moins. Et alors bien, ça, je saurais pas seulement te le dire. On en causait justement dans l'entracte avec l'épicier Champoux. Moi qui faisais, cet Andromaque est une mijaureille et Pyrrhus une chiffre. Tu ne tenais qu'à moi, je vous arrangerais ça vivement avec une paire de gifles. Ouais, mais les gifles n'avaient peut-être pas été inventées dans ce temps-là. C'est peut-être venu avec l'invention des pantalons. Enfin, tout ça me paraît rudement embrouillé. Oh, ma foi, oui. D'autant plus qu'on a perdu le fil au milieu du deuxième acte à cause de cette charrette de Père Grosjean. Ah, c'est lui qui faisait Andromaque? Mais non. Il faisait le souffleur. Malheureusement, il a la vessie un peu moindre. Enfin quoi, en plein acte, il a fallu déguerpir. Et juste à ce moment-là, faut-il pas que le garagiste s'embrouille d'acte et s'enfile dans une tirade qui n'avait rien à faire là. La régente s'en trouve toute démontée. Le commis dentiste veut se raccrocher au souffleur. Il trouve la logette vide et se met à piquer la détraque. Et bref, la déguille vous les prend l'un après l'autre et la salit tout comme de bien entendu. En sorte que l'Andromaque qui attendait son tour dans les côtés n'a pas pu se tenir. Elle a passé la tête hors des décors en faisant à haute voix. « Eh bien, que se passe-t-il par là ?» Et le forgeron Ponaze qui lui crie du fort. « Ce n'est rien, madame Andromaque. C'est le père Grosjean qui a été faire sa commission. Oh, tu peux te croire si on se bidonnait parmi... » « C'est Jean de Chèvre, tout de même. » »« Mais le plus beau, c'est que là-dessus, le père Grosjean se ramène en rasant le podium pour entrer dans sa logette. Le commis au dentiste, qui devait venir fou par la fin de la pièce, se dit que le moment est venu et te lance sa tirade à toute volée. « Pour qui sont ces serpents qui zenotent sur ta tête ?» Tu te figures. Ce pauvre père Grosjean qui est chauve comme une barberie, il s'est cru visé, quoi. Alors il sort la tête hors de son trou en se tournant vers la salle pour nous prendre à témoin, en montrant son crâne pelé. Des serpents, oh alors non, me dire ça à moi, moi que tout le monde connaît depuis 55 ans à Chèvre. Comme ça, la pièce était finie, tu penses le plus beau mot était dit. Mais il a bien fallu que ma Mélanie y apporte encore le sien. « Ernest, veux-tu que je te dise à qui c'est la faute tout ce qui arrive ? C'est encore cette poule antique, moi je te dis. Moi je te dis qu'elle n'avait rien à faire dans ce ménage. Elle n'a qu'à essayer chez nous cette traînée. Je te dis que ça, elle aura affaire à moi. »« Vois-tu ça, mon pauvre syndic ? J'ai toujours dit que les femmes, ça n'entend rien à la grande musique. Oui, mais ça n'empêche qu'il faut se décider à rentrer. Allons-y. Pour que la régente ne nous trouve pas dans ce carnot, c'est au moins. Et on se retrouvera pour les devis. Dans 15 jours, à la même heure. Le pauvre genre humain, de tout temps chacun s'est plaint de son destin. Nos aïeux déjà dans un temps plus prospère se disaient tout bas. Tout languit sur la terre, y a pas gras, y a pas gras. Tout languit sur la terre, y a pas gras, y a pas gras. Une fille aux yeux charmants reste sage et sans amant jusqu'à 30 ans. Le monde dit tout bas, elle est pourtant jolie, elle a des appâts. Mais dans bien des familles, y a pas gras, y a pas gras. Mais dans bien des familles, y a pas gras, y a pas gras. Un ivrogne à demi sous prend son verre et boit un coup et voilà tout. S'il n'a pas, hélas, crédit d'une chopine, il se dit tout bas. En faisant triste mine, y a pas gras, y a pas gras. En faisant triste mine, y a pas gras, y a pas gras. Voit-on un enterrement où n'y a gendre, ni parrain, ni assistant? Le monde dit tout bas, ô mort, fais bon voyage, tu t'en vas là-bas. Mais pour ton héritage, y a pas gras, y a pas gras. Mais pour ton héritage, y a pas grave, y a pas grave. Dites-moi qu'avez-vous, Jean-Pierre, mon gendre, dites-moi qu'avez-vous, ma fille est bien à vous. Votre fille est un diable qui casse et brise tout. Dites-moi qu'avez-vous, Jean-Pierre, mon gendre, dites-moi qu'avez-vous, ma fille est bien à vous. Que ne la battez-vous, Jean-Pierre, mon gendre, que ne la battez-vous. Ma fille est bien à vous, et quand je veux la battre, elle me saute au cou. Que ne la battez-vous, Jean-Pierre, mon gendre, que ne la battez-vous. Ma fille est bien à vous. Que ne l'embrassez-vous, Jean-Pierre, mon gendre, que ne l'embrassez-vous. Ma fille est bien à vous. Et lorsque je l'embrasse, elle me traite de fou. Que ne l'embrassez-vous, Jean-Pierre, mon gendre, que ne l'embrassez-vous, ma fille est bien à vous. Thank you. Thank you.